Quentin Bayot lit un extrait du journal de Franz Kafka. 27 janvier 1922. Spindelmühle. Nécessité de ne pas dépendre de la malchance mêlée de maladresse qui se traduit par le double traîneau, ma malle cassée, la table branlante, le mauvais éclairage, l'impossibilité d'obtenir le silence à l'hôtel l'après-midi, etc. Cela ne peut se faire en négligeant tous ces faits. Ils ne peuvent pas être négligés. Cela ne se peut que par l'apport de nouvelles forces. À cet égard, d'ailleurs, on peut avoir des surprises. L'homme le plus désespéré est obligé de le reconnaître. L'expérience prouve que quelque chose peut sortir du rien, que le cocher, avec ses chevaux, peut ramper hors de la porcherie en ruine. L'émiettement de mes forces pendant la course en traîneau. On ne peut pas se faire une vie comme un gymnaste fait l'arbre droit sur les mains. Étrange, mystérieuse consolation donnée par la littérature, dangereuse peut-être, libératrice, bond hors du rang des meurtriers, acte observation parce qu'une observation d'une espèce plus haute est créée, plus haute, mais non plus aiguë. Et plus elle s'élève, plus elle devient inaccessible au rang. Plus elle est indépendante, plus elle obéit aux lois propres de son mouvement. Plus son chemin est imprévisible et joyeux, plus il monte. Bien que j'aie écrit distinctement mon nom à l'hôtel, bien qu'ils m'aient déjà écrit de leur côté en mettant le nom exact, c'est pourtant Joseph K. qui est inscrit au tableau d'en bas. Dois-je les éclairer ou me laisser éclairer par eux ?